Georges Courteline, Morte saison. Enregistré par Charlotte dans le rôle de Fanny et par Sabine dans le rôle de Palmyre. Pour audiocité.net sous la licence Art Libre. La terrasse du café américain, 1h15 de la nuit. Fanny, installée devant un guéridon, un lit roux de sucre fondu garnit le fond de son verre. Palmyre ! Tiens, Fanny ! Dis donc, tu n'aurais pas dit soin à me prêter ? Je suis embêtée, à cause de ma consommation. Si j'avais 10 sous, je serais à Dieppe. Quant à ta consommation, faut pas te faire de bile pour ça. Firmin, 2 bocs ! Les soucoupes sont à moi, Firmin. Vous me les garderez jusqu'à demain soir. Je n'ai qu'un billet de 1000 sur moi, ça m'ennuie de faire la monnaie. Ah, Firmin, pendant que vous y êtes, enlevez donc aussi la soucoupe de madame, je vous la réglerai avec les autres. Merci, Firmin. Vous savez, je demeure toujours rue de la Rochefoucauld. Tu vois comme c'est simple. Ah ça, mais Fanny, qu'est-ce que tu as? Des choses comme toi et t'as le dessous de l'œil violet. C'est Honoré qui m'a mis une baffe l'autre jour. Tu as reçu les palmes académiques. Et salement! J'en ai eu l'œil comme une betterave pendant au moins une semaine. Oh, c'est pas qu'il soit rosse avec moi. Au contraire, il est gentil. Seulement, tu connais le proverbe. Quand il n'y a plus de foin à l'écurie. Et les affaires sont vraiment à la molle, crénom. Avec ça, j'ai fait la bêtise d'arrêter une thune au passage pour envoyer de la flanelle et des bas mon petit Salé, qui est en nourrice au Rincy. Ça fait qu'Honoré s'est fâché. Comme ils disent, garçon, je suis bon fieux, mais j'aime pas qu'on joue avec le pognon. Chacun son caractère, n'est-ce pas? Sans doute. Ça ne fait rien. Il y a des fois que c'est dur de briefer deux à la même gamelle. Moi, j'ai plus de veine que toi. Anatole a une place. Ah bah! Secoué! 13 marquets devant la 11e chambre. Mazette! Un coup de batterie, hein? Oh, mieux que ça. Du lingue! On n'est pas toujours maître de soi. Enfin, voilà. Il est à Poissy depuis 8 jours avec une subvention du gouvernement. Ça m'embête d'un côté, mais tout de même, je suis joliment plus tranquille. Alors dis donc, ça ne va pas, toi? Ah, ma pauvre fille! C'est-à-dire que je fous une purée épatante. Comme moi, et c'est obligé. À part qu'écrasta de passage, il n'y a plus un chat à Paris. Tiens, voilà ce qui me met en rogne. Il faut être enragé des 4 pattes de derrière pour cavaler d'un temps pareil. Un mois de juillet, dégoûtant. Que c'est à le prendre par la peau du cou et à lui envoyer des coups de pied dans le derrière jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tu n'es pas philosophe, Fanny? Philosophe? Tu me fais rigoler avec ta philosophie. Je voudrais bien te voir à ma place, enfilé de tous les côtés, chez le bistrot, chez le pro-bloc, avec la perspective des bichets à 40 ronds et comme ça jusqu'à l'automne. Oh là là, ce que j'en ai assez. T'as de l'argent, toi? Oui, j'ai 30 centimes. T'es plus riche que moi. J'ai 1 sou, 6 biches et 1 timbre-poste. Zut, ça peut pas durer comme ça. Faut que nous inventions quelque chose. Tu veux faire un michet à 2? Ça ne vaut rien, c'est usé. Non, mais si ça te va, je te propose une chose. 100 sous la passe, t'arrives d'été et nous donnons la correspondance. La correspondance? Eh oui, le truc des tramways, quoi. 2 voyages pour un. Et pour le même prix? Que veux-tu? On ne sait plus quoi s'ingénier. La correspondance. Au fait, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Seulement, je te préviens, du 25 au 30, je ne reçois pas les voyageurs. Moi, ce n'est qu'à partir du 27.